La mort détestable personnage emporte tout son passage, te laisse seul face au linceul, tu finis par te haïr en deuil, et de n'avoir pu le sauver, et de n'avoir pas su conserver tel amour aussi vivant, le remords tout le temps. La mort, insupportable personnage, provoque surtout de la rage, te laisse même pas crever quand tu souhaites la rattraper. C'est toujours novembre, tes yeux ne peuvent plus pleurer, trop de larmes déjà versées, trop de temps disparu, à la recherche du temps perdu, tu ne vois que celui qui passe, avec lui il faut que tu fasses, alors tu l'affrontes gorge serrée, cette fois-ci tu vas signer ce pacte qui te fait croire, dans lequel tu places tout espoir.